Est-ce que c'est toi le ninja? C'est toi? Tu peux m'aider? Oui. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Eh hey boy, c'est la facture habituelle de votre show quotidien préféré. En fait, hebdomadaire, c'est à chaque semaine, ça. Simon-Pierre Bilodeau en studio, Simon-Pierre qui chante et qui parle, les deux à la fois. Bonjour Tommy, ça va bien? Ça va très bien. Tout en commençant, en fait, pour faire un lien avec notre expérience André Ducharme de la semaine passée, je vais être obligé de mentionner à tous nos auditeurs assidus que j'ai recontacté le monsieur par email et je lui ai demandé la question que nous posons à tous nos invités ici à 70%. Et monsieur Ducharme n'a jamais joué à Magic. Jamais. Bien malheureux. Ouais, ben oui, ça en fait, je pensais peut-être avoir trouvé un partenaire. 70%! Mais Tommy, on a reçu plusieurs emails à cette émission-là. Ben oui. On en a imprimé quelques-uns qu'on va vous lire immédiatement après la chanson. Ben vas-y, là, pendant, là, on l'a entendu assez souvent, tout le monde. Ouais, ben je vais te laisser commencer avec les emails que t'as. Ben moi, en fait, j'ai aucun email avec moi, mais j'ai quelques petites nouvelles assez intéressantes. Genre, le frère de Michael Jackson, Jermaine Jackson, essaie de convertir son petit frère au musulmanisme. J'ai aussi une excellente nouvelle, c'est The Police qui vont se réunir après 23 ans. Je vais finalement pouvoir mourir en paix. Et puis, tu sais, il y a quelque chose qui m'a vraiment chicoté, c'est le ministre conservateur canadien de l'Environnement, John Baird, qui s'est dit surpris que l'activité humaine soit une source de réchauffement planétaire, c'est de toute beauté. Fait que c'est à toi, Simon, vas-y, lis-nous en un de ces affaires-là. De tes emails qu'on a reçus. Ah, c'est moi qui les ai posés. Ah, les deux, tu me les as donnés. Ouais. Donc, bonne entrevue, Simon. André Gédissard, mais super sympa. Par contre, j'ai trouvé que l'autre animateur parlait beaucoup et que des fois, ça ne laissait pas la chance à André d'approfondir ses réponses. JM, ça c'est moi. En fait, pas JM. C'est moi qui ai parlé beaucoup. Je viens tout juste d'écouter votre émission avec André G. J'ai pas mal ri, sauf quand j'ai appris que vous aviez osé nommer mon oncle comique de la semaine. Comment peux-tu me faire une chose pareille, Simon? Pour tout le reste, chapeau, j'espère que tu es en forme. Tiens-moi au courant des prochains highlights de 70%. Moi, ça provenait de Mathieu Denis, que je salue bien bas, qui est à Berlin en ce moment. Lui, c'est le neveu, en fait, de Rock Denis. Et quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que... Enfin. Total. Attention. Moi, j'ai d'autres emails, tu sais, que j'ai reçus. Salut, super émission. Cependant, je trouve que les choix musicaux ne sont pas très bons. Je sais que c'est Tommy qui les fait et que tu lui en as parlé et que ça va sûrement s'améliorer dans l'avenir. Bravo, c'est signé Karine. J'ai également, messieurs, quelle excellente émission, surtout Simon qui a vraiment tout un sens de l'humour. Peut-être une chose à améliorer. Tommy coupe tout le temps ses invités et ne laisse pas assez parler Simon qui a plein de choses bien plus intéressantes à dire. On dirait que Tommy veut tout contrôler, le spectacle en souffre. Déjà que les choix musicaux ne sont pas ce qu'il y a de mieux, il devrait arrêter de penser que le show c'est lui tout seul et céder un peu d'espace. Il faut que le meilleur matériel soit mis en évidence. C'est signé Vincent. Merci Vincent. C'est quoi? C'est tous tes alliés qui ont appelé? C'est quoi cette affaire-là? Non, j'ai pris ça au hasard. Ah ouais, c'est tout cute. Puis c'est quoi la toune qui s'en vient? La toune qui s'en vient, ça va être Island in the Sun de Weezer. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Fait que, allez tout chier, ceux qui aiment pas la variété musicale. Fait qu'on va peser play là-dessus. On se revient à 70% juste après pour des nouvelles caves. When you're on a holiday, Que je désire ne veut pas que j'écoute 70% en lui faisant l'amour, eh bien je mets mon baladeur. C'est allumé. Avant de faire une petite nouvelle, j'aimerais saluer Aurel à Paris en ce moment et Mathieu de Bordelais qui est présentement à Montréal, qui s'installe au Québec, ainsi qu'à Catherine, qui est sur la rue Pineuf en ce moment. Allô, ça va bien? Tommy, je sais que t'aimes les films pas bons. Ben oui. Est-ce que tu sais c'est quoi les Razzies? Ben oui. OK, bon, ben, peut-être que nos auditeurs le savent pas. Alors, en fait, les Razzies, c'est un gala qui remet des prix au pire de leur catégorie dans le cinéma. Alors, Sharon Stone et le film dans lequel elle a tourné récemment, Basic Instinct 2, ont figuré parmi les principaux sélectionnés si cette année. Si on avait besoin de Basic Instinct 2... Tout à fait. C'est une parodie des Oscars qui distingue les pires acteurs et les pires films de l'année passée. Alors, c'est la Fondation des Framboises d'Or qui gère tout ça. Ça existe depuis 1980. Ça se passe la veille des Oscars. Alors, Basic Instinct 2 a été cloué au pilori par la critique et n'a recueilli que 6 millions de dollars au box-office nord-américain. Il est notamment nommé dans les catégories des pires films, pires actrices, pires metteurs en scène et pires scénarios. C'est une très bonne recette. Ils vont ramasser tous les prix. Alors, petite consolation pour Sharon Stone. Un autre film parvient à obtenir autant de nominations, c'est Little Man. Tu sais, le gars qui est un gangster, qui est tout petit, fait qu'il déguise en bébé pour qu'il introduise une famille pour que ça a été... Un des frères Wayans qui a fait ça, c'est là, vraiment un peu bon. Oui, c'est les spécialistes de l'humour pas douteux. Bon, ouais. C'est ça. Et puis, bon, il y a eu une campagne publicitaire là, assez puissante, assez poussée pour mousser les ventes de ce film-là, les entrées. Côté actrice, à part Sharon Stone, les Razzies ont également nommé deux starlettes d'Hollywood. On nomme Jessica Simpson ainsi que Lindsay Lohan. Côté masculin, Ben Kingsley et Danny DeVito concourront dans la catégorie des meilleurs second rôles masculins. Enfin, les pires meilleurs second rôles. Ouais, les meilleurs pires. Tout comme Jenny McCarthy, Carmen Electra, Michelle Rodriguez et Kate Bosworth chez les femmes. Et inutile de dire que les gagnants font très, très rarement le déplacement. Sûrement que ça doit se passer entre eux autres, effectivement. Ouais. Fait que, ben, mettons, avant de passer un petit sketch, passer les premiers extraits de la marde de la semaine, je vais en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Oui, très bien, vas-y. La marde de la semaine, c'est les commandos des tigres noirs. Oui, le très célèbre. Là, sur le dessus, je vois Chuck Norris, qui est le héros du film, qui a des grosses lunettes à la Cartman ou à la Punchinello dans le temps, et puis il est en train de se voir lui-même sauter au travers d'un windshield de char pour détruire un tiers personnage qui doit se faire tuer 4 fois dans le film sous différents rôles. Ah, comme à mon habitude, je vais lire le derrière. Je suis vraiment en extase. C'est une des pochettes les plus laides que j'ai vues de toute ma vie. Là, ouais, le gros, ouais, c'est ça. On voit juste la tronche moustachue de Chuck Norris avec des grosses moustaches. Donc, je retourne le caisse et je lis ce qui est écrit. La CIA ne peut se permettre de laisser John T. Booker, trois petits points, vivant, en lettres majuscules. Six fois champion du monde de karaté, Chuck Norris joue le rôle de John T. Booker, un ex-commando du Vietnam dont le passé de guerre lui vaut d'être en tête de liste des personnes à éliminer par la CIA. Des négociations secrètes, des tactiques malsaines, des couvertures gouvernementales, un complot pour mettre de nature politique, les faits saillants d'un passé récent font surface dans le commando des Tigres Noirs. Avec l'aide d'une jolie enquêteur du Sénat, ouais, ouais. Norris met à jour un projet détourné de trahison et d'intrigue dans ce film rempli d'action, de passes de bureau, de cascades et de frissons qui a été tourné avec arrière-plan une course automobile, les pentes de ski de Squaw Valley et les corridors de Washington D.C. Un classique des arts martiaux. Là, dans la description, j'ai rajouté passe de bureau parce que c'est une entière passe de bureau d'un bout à l'autre. C'est très, très, très fade. Pendant qu'on est en background, Secret of Mana, puis ça va être un spécial Secret of Mana en background, on devrait téléphoner à Jean Perron en revenant... Jean Perron en revenant des extraits audio qu'on va écouter maintenant, qui sont tirés, bien sûr, des commandos des Tigres Noirs. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, Sanders, c'est que nous allons essayer d'en sortir quelques-uns. Vous êtes un saint homme, je vous ai mal jugé, Morgan. Votre humour est déplaisant. Au fait, le nom du commando que vous tenez sous la houlette de Phoenix? Les Tigres Noirs. Ah, qui a eu l'idée absurde de les appeler les Tigres Noirs? Certains d'entre nous, il y a quelques années. Quelle voiture! Pas vraiment l'idéal pour aller d'un feu rouge à l'autre, vous ne trouvez pas? Sauf s'ils sont à 200 km l'un de l'autre. Bien audacieux pour un intellectuel. J'ai été pilote d'essai. Comme un idiot, j'ai pris la voiture au lieu du salaire. Oh oui, mais... à notre égard, ayez la même compréhension. Mon ami est d'humeur très changeante. Or là, je sens qu'il est prêt à exploser. Dans très peu de temps, je vais lui demander de vous faire avaler vos dents. Si vous refusez de nous dire où est cet appartement. C'est encore une fois la quête de Jean Perron qui se poursuit. Donc, 9. Là, je dirais pas numéro de téléphone, je suis plus rusé que ça. Et... peut-être que le monsieur va nous répondre, on espère beaucoup. Fait que Simon, c'est toi qui parles? Oui, pas de problème. Faudrait pas que je parle trop, là, décevoir Vincent. Ouais, en effet. Hey. Hello. Oui, bonjour, monsieur Perron. Bonjour. Ouais, c'est Simon-Pierre de Choc FM, on s'est parlé plus tôt aujourd'hui. Ben oui. Ça va toujours aussi bien? Ben oui. Merci beaucoup de participer à notre émission ce soir. C'est bien aimable de votre part. Est-ce qu'il faut que je me présente ou tu vas me présenter? Non, vas-y, Tommy. Moi, je suis le collègue de Simon-Pierre Bilodeau. Je m'appelle Tommy Godette et je viens de Rouyn-Noranda. Bonjour, M. Jean Perron. Salut, Danny. Ça va bien? Ben oui, ça va, moi. Ah, l'attitude de champion ici. Je te laisse poser les questions, Simon. Oui, moi, immédiatement, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Jean, on sait que vous avez coaché autant du côté des Nordiques que du Canadien de Montréal dans les années 80. Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le but d'aller côté, selon vous, était bon? Oui. Ah. Oui, moi, je l'ai toujours dit. Le but d'aller côté était bon. Et mettons les choses en perspective. Vous vous souvenez du nom de l'arbitre? Oui, c'est Kerry Fraser. Ouais, c'est Kerry Fraser qui avait bousillé tout un match. Il avait commis un paquet d'erreurs. Il en a commis une sur Alain Côté, ça c'est clair. Mais il en avait commis une aussi contre nous autres. Ça, je me souviens très bien. Il avait décerné une pénalité au Nordique de Québec. Et Malachuk était dans les filets à ce moment-là. Clint Malachuk. Oui, Clint Malachuk. Lui, il prétendait que c'était une pénalité aux Canadiens. Et Guy Carbonneau avait marqué un but. Et finalement, ben, avec toute cette confusion-là, ben, le but de Guy Carbonneau avait été refusé. Et on avait tombé quand même en avantage numérique. C'est juste te montrer comment ça avait été un match très pénible pour Kerry Fraser. Bon, en effet. Il a fait une mauvaise décision contre nous, puis il a fait une mauvaise décision contre les Nordiques. Mm-hmm. OK. Monsieur Perron, vous avez également coaché l'équipe nationale d'Israël plus récemment. Oui. Dites-moi, vous êtes passé de la 3e division à la 2e division? Ouais, ben c'est plutôt la deuxième à la première parce que la Fédération internationale de hockey sur glace a décidé mm-hmm. de changer les divisions okay. De 3, 2, 1 et après ça, élite. Ah, le groupe mondial, ouais, c'est ça. Ouais, donc nous, on est passé de la deuxième à la première contre la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Angleterre et naturellement, on est revenu en division 2 parce que nous autres, on est tous des amateurs, tandis mm-hmm. que quand tu joues contre l'Angleterre, ben, ce sont tous des professionnels, et contre les Français, ce sont des professionnels, les Allemands, ben écoute, il y avait Marco Sturm, Gock, donc des gars qui jouent dans la Ligue nationale, donc nous autres, on n'était pas de calibre pour jouer dans cette division-là. Ben, ces joueurs-là qui jouent en Israël, c'est des Canadiens, des Russes qui ont la double nationalité, comme... Oui, c'est surtout des Russes qui ont été acceptés en Israël mm-hmm. parce que dans les années 80-90, l'Union soviétique n'acceptait pas que les Juifs pratiquent leur religion. Okay. Donc ils les ont mis dehors et les Israéliens les ont acceptés. Donc il y a 1,5 million Russes en Israël. Oh boy, OK. Puis naturellement, eux autres, ils veulent jouer au hockey. Oui, bien sûr. Donc, le Canada a financé le gros complexe en Israël qui se situe à Metula. OK. Et ça s'appelle le Canada Center. Wow! Ah, ouais. On en apprend tout plein. Spécial. Oui. Monsieur Perron, êtes-vous en faveur d'une équipe francophone nationale ici au Québec pour les Olympiques ou pour les championnats du monde, par exemple? Non. Pour quelle raison? Absolument pas en faveur de ça parce que quand tu fais partie d'un pays qui s'appelle le Canada, mm-hmm. T'as le droit d'avoir une équipe représentative. Okay. Il y en a qui vont dire, ben écoute, en Écosse, eux autres, ils peuvent avoir leur équipe nationale. Au soccer, ouais. Puis il y a d'autres pays un peu comme ça. Mais nous autres, au niveau... si à un moment donné, on avait le Québec comme pays, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Mm-hmm. Mais on n'est pas un pays pour l'instant, donc faut se plier au règlement de la Fédération internationale de hockey sur glace. Ça a bien de l'allure, ça. Monsieur Perron, une question rapidement comme ça. Est-ce que vous jouez à Magic? Magic? Non. Non, ah... J'aurais essayé. Bon, il demande ça à tous les invités. T'as-tu une autre question, Tommy? ouais, peut-être. On sait que les fantômes du forum, en fait, c'est tranquillement pas vite une histoire du passé, mais est-ce que vous en aviez un préféré, un fantôme que vous aimiez plus que les autres? Ben, écoute, il y en a un qui plane continuellement au plafond du Centre Bell à l'heure actuelle, c'est Maurice Richard. Ah oui, j'aime bien que... Maurice Richard, ça a été le joueur qui a donné de l'identité aux Québécois. Si aujourd'hui, le Québec est considéré comme un peuple tout entier, ben c'est à cause de Maurice Richard qui, lui a décidé qu'il contestait les anglophones. Ça, j'ai pas besoin de vous donner un cours d'histoire, là. Non. Mais la fierté que ce gars-là... a inculqué aux Québécois. Moi, mon père, moi, j'ai vu jouer Maurice Richard, mais pas beaucoup. Parce que dans ces années-là, on regardait le match de hockey du samedi soir à compter de 8h30. Et Maurice Richard, c'était la grande vedette du Canadien. Je l'ai vu un petit peu, mais il reste que Maurice Richard, c'était, comme on dit dans notre langage, c'était le gars qui portait le Québec sur ses épaules. Ben, Éric Lapointe a déjà dit que c'était le premier à avoir planté les Anglais. Je trouve ça pertinent comme phrase, comme citation. Ben, c'est un peu vrai. Ça a été le premier qui a vraiment tenu tête aux anglophones. Écoute, ceux qui dirigeaient le Canadien à ce moment-là, ben, c'était des anglophones. Mmh. Et Maurice Richard devait se battre continuellement, non seulement contre ses propriétaires, mais aussi devait se battre contre tout l'establishment de la Ligue nationale, Clarence Campbell. Et on se souvient que ça a dégénéré. Il y a eu une émeute à Montréal lorsqu'on l'avait suspendu. Oh oui. Mmh. Donc, ça a été le gars qui vraiment là, a dit à tous les Québécois, ben là, ça prend le temps que vous preniez en main, que vous soyez capable de batailler pour vos valeurs, pour ce à quoi vous croyez. Donc, Maurice Richard, ça a été le premier grand homme québécois. Tu sais, on va parler des premiers ministres qu'on a eus, qui étaient francophones, mais il mm-hmm. reste que celui qui avait le plus de pouvoir au niveau du peuple du Québec, c'était Maurice Richard. Monsieur Perron, pour ou contre le retrait du chandail numéro 3 d'Émile Bouchard? Ben, moi, je suis pour qu'on le retire. Absolument. Maurice Richard et Butch Bouchard ont été les deux Québécois francophones, pure laine, qui vraiment là, ont porté le flambeau très haut. Mm-hmm. Hein. Et Butch Bouchard, là, je ne sais pas si vous autres vous l'avez rencontré, mais moi, c'est un ami personnel. Et je peux vous garantir une chose, il a un physique comme son frère, comme son fils Pierre. Oui, en effet. Un physique imposant. Et dans ces années-là, là, les joueurs étaient beaucoup plus petits. Okay. Aujourd'hui, ils ont tous 6 pieds 1, 6 mm-hmm. pieds 2, 6 pieds 3 dans la Ligue nationale. Mais dans ces années-là, les joueurs de 5 pieds 6, 5 pieds 7, 5 pieds 8 étaient une denrée commune, là. Mettons que quelqu'un ne faisait pas la Ligue parce qu'il n'était pas assez grand dans ce temps-là. Non, non, non. Et lorsqu'on passait du côté de Butch, on était tous se lever la tête parce que lui, là, il pouvait frapper, puis il frappait dur. Donc, moi, les deux gars là, qui m'ont impressionné par leur physique dans ces années-là, ben, c'était Butch Bouchard puis Elmer Vasco. Vous autres, ça vous dit peut-être rien, Vasco. Mmh. En effet, mais c'était des moyens gabarits d'hommes, ça. Puis en plus, ce qui arrive, c'est que la façon de jouer au hockey physique, on associe plus ça à la façon canadienne, peut-être québécoise aussi, mais jouer du hockey physique, plaqué, en imposé, en jeté sur la glace, ça tient plus du style canadien que peut-être européen, là, si on peut les comparer. Oui, oui, oui. Mais il reste une chose, c'est que Butch Bouchard, c'était le capitaine, hein? C'était le capitaine francophone du club de hockey canadien. Ouais. Et c'était un gars qui avait des bonnes opinions. Mais il n'était pas, vu qu'il n'était pas un attaquant, ce qu'il pouvait dire, ça n'avait pas autant d'impact que Maurice Richard. Ben, je peux te garantir une chose, quand Butch Bouchard parlait, on écoutait. Ouais, c'est ça, mais son plus grand défaut, ça aura été de ne pas être assez souvent sur la feuille de pointage à ouais, Bouchard. Justement. Oui, parce que c'était plus un défenseur défensif. Et là maintenant on peut pas lui poser des questions, mais Doug Harvey, un des plus grands défenseurs de l'histoire, a eu des très très bons commentaires à l'endroit de Butch Bouchard. Mm-hmm. Et Doug Harvey, c'est un défenseur plutôt offensif, et Butch Bouchard jouait un peu plus dans l'ombre, mais Doug Harvey avait une estime incroyable vis-à-vis Butch Bouchard. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer le travail de défenseur défensif. Hein. C'est pas comme un attaquant qu'on voit les points, ou même un attaquant, un défenseur offensif. Mais si vous parlez à tous les gens qui l'ont vu jouer, tout le monde va vous dire que Butch Bouchard, c'était un défenseur très solide, qui connaissait rarement des mauvais matchs. Puis Butch Bouchard, c'est un gars très intelligent. D'ailleurs, il a eu une carrière d'homme d'affaires après sa carrière de hockey, tout simplement extraordinaire. Donc, c'est un homme réfléchi que ce Butch Bouchard-là. Mmh. Et c'est un bel exemple pour tous les jeunes qui l'ont vu jouer dans ces années-là. Butch Bouchard, c'est un idole pour les jeunes au Québec. Bon, en effet. Monsieur Perron, au-delà du hockey, vous personnellement, c'est sûr, on peut pas faire une entrevue sans aborder la question des péronismes. On voulait vous demander, sûrement que vous êtes tanné d'en entendre parler, mais est-ce que, on sait que vous avez poursuivi les gens qui ont publié le livre « Les péronismes ». Est-ce que vous l'avez fait parce qu'ils vous ont pas averti, parce qu'ils voulaient pas partager les profits de ça, ou parce que vous avez été blessé par le fait qu'ils publiaient des choses qui venaient de vous? Ben, tu sais que 98% de ce qui a été écrit là-dedans n'ont jamais été dit. En effet, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, à un moment donné, j'ai décidé que ça devait se terminer là. OK. C'est sûr que les gens au Québec ont dit: ah, Jean, tu fais partie de l'histoire, puis c'est le fun, puis t'es une personne qui est unique, et ainsi de suite. Puis vous avez créé quelque chose, là. Pardon? Il y a quelque chose à votre nom, là, un péronisme, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de thomisme ou de Simon-Pierrisme encore, là. Ah ouais, je sais, mais de toute façon, moi, je trouvais qu'on allait un petit peu trop loin. OK. Ça fait que j'ai trouvé que la farce avait assez duré et j'ai décidé d'aller poursuivre. Puis, heureusement, parce que depuis ce temps-là, il n'y a plus de ces histoires. C'est parce que moi, les gens m'appelaient: Jean, pourquoi tu nous parles de ça? As-tu vraiment dit? As-tu vraiment dit ça? Et ainsi de suite. Donc, avec cette poursuite-là, ben, les choses se sont calmées depuis ce temps-là. Mais à l'origine, est-ce que vous preniez ça avec un sourire? Ou pas du tout, ça vous a jamais... J'ai pris ça avec un sourire à l'origine. Mm-hmm. Ça, c'est évident, tu sais, je riais de ça, tu sais, comme le vieux dicton, si tu ne vaux pas une farce, tu ne vaux pas grand-chose. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de rire de ça, mais à un moment donné, quand j'ai vu que des gens qui faisaient de l'argent, mais de pain... Ouais, c'est vrai. Que là, les gens prétendaient que vraiment j'avais dit ça. Mm-hmm. Donc, j'ai un langage coloré, ça c'est vrai. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a un paquet de Québécois qui ont un langage coloré aussi. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai peut-être une petite question. Est-ce que vous ouvririez une école de péronisme? Ça pourrait être pas pire, ça. Pardon? De donner des cours de péronisme aux Québécois en manque de locution colorée. Non. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Moi, je comprends. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que donner des cours. Premièrement, je pense pas que je serais un bon représentant de la langue française. Je parle comme à peu près tous les Québécois et j'ai un langage plutôt axé sur le sport, donc... Je me verrais mal enseigner le français ou les péronismes dans une université. Ça serait un événement quand même. Monsieur Perron, ouais, vous avez un fils qui s'appelle Herman. Oui, Herman, et j'en ai un autre qui s'appelle Thierry. Oui, en effet, Herman, j'ai déjà rencontré. J'ai déjà parlé dans les années 95 environ, parce que j'avais un bon ami qui venait de Cap-Rouge. Et il se voyait souvent, Et puis, il m'a dit qu'il a déjà travaillé à San Francisco. À l'époque, les Spiders de San Francisco, il paraît que le propriétaire, une fois, je pense que c'était une joute qui était à Las Vegas, il a reçu un appel, il manquait jamais un match, il a reçu un appel, puis il a pris l'avion pour San Francisco parce que sa tarentule avait accouché. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire-là? Weird. Oh! Non, je sais que mon propriétaire avait, il avait une tarentule. Mm-hmm. Il y avait aussi un poisson exotique, là, les poissons du Brésil. Les piranhas. Oui, justement. Donc, c'est un propriétaire avec des goûts assez spéciaux. Je me souviens pas qu'il avait délaissé le club pour aller retourner voir sa tarentule à coucher. Vous avez pas peur des araignées, j'espère? Non. Non, des orignaux non plus? Non. Vous avez coaché au Manitoba, le Moose, là-bas? Non. Disons qu'il n'y a pas trop de Rio au Manitoba. Monsieur Perron, avez-vous toujours la flamme pour le coaching? Si on vous offrait un poste, est-ce que vous retourneriez jouer, coacher? Oui, je retournerais coacher parce que, écoute, c'est quelque chose que je connais. Mm-hmm. J'ai grandi là-dedans. J'ai fini mon cours d'éducation physique à l'Université de Sherbrooke en 1969. Oui, en effet. J'ai commencé à coacher tout de suite. Donc, depuis 1969 que je fais ça, donc ça va faire quoi? Presque 40 ans bientôt. 40 ans bientôt. Oh. Donc, je connais un peu le domaine. Mais, tu sais, quand tu as gagné la Coupe Stanley, très peu de gens qui vont engager un entraîneur, s'il n'a pas gagné la Coupe Stanley lui-même, mm-hmm. qui a un adjoint avec une Coupe Stanley. Donc, j'ai tourné la page là-dessus, puis je fais d'autres choses. Okay. Mais je comprends pas ce que vous voulez dire là, c'est que parce que vous avez gagné une Coupe Stanley, vous avez moins de chances d'être engagé comme adjoint. Oui. OK. Oui. Ouais, faudrait que je commence comme adjoint parce que quand tu délaisses la Ligue nationale mm-hmm. pour deux, trois ans, je peux te dire c'est pas facile de rentrer là-dedans. À bout de la Ligue nationale. Ouais. On peut le demander à Ted Nolan, il va répondre que vous avez raison en disant ça. Ah ben oui. Ted Nolan a recommencé avec les Wildcats de Moncton, mm-hmm. les juniors majeurs du Québec. Mm-hmm. Et finalement, on lui a proposé un offre pour coacher. Puis, c'est un bon entraîneur. Écoute, le propriétaire qui possède les Islanders de Duyot, lui a pris une chance. Monsieur Wong a pris une chance parce que très peu de propriétaires auraient posé un geste semblable. Ouais, on veut toujours que la personne de hockey qu'on va engager soit dans le giron de ce qui se passe mm-hmm. dans la Ligue nationale, mm-hmm. soit comme éclaireur ou encore comme directeur du personnel ou encore assistant gérant, et ainsi de suite. Un peu comme Guy Carbonneau a fait. Monsieur Perron, à 110%, là, c'est lequel votre interlocuteur préféré? Celui avec lequel vous aimez le mieux, le plus débattre? Ben moi, c'est sûr que je m'entends bien avec Bergeron, parce mm-hmm. que Bergeron, c'est un entraîneur dans l'âme, lui aussi. Hein? En effet, oui. Donc, on a des idées qui se ressemblent. Avec les journalistes, ben on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mm-hmm. En effet. C'est pas la même pensée. Nous autres, on a des feelings pour ce qui se passe sur la glace que les autres n'ont pas. Ouais, je comprends. Surtout, vous êtes au courant de l'ambiance qui se passe aussi dans la chambre, puis de ce qui se passe entre les joueurs et tout et tout. C'est des informations précieuses que les autres n'ont pas. Moi, je vais vous avouer que j'affectionnerais particulièrement l'idée d'assister à un match de hockey accompagné d'un coach professionnel qui m'explique les. Un Jean Perron là, qui parle. Ouais. D'ailleurs, Monsieur Perron, à 110%, la prochaine fois, vous allez sûrement vous rappeler de 70% et en glisser un mot. En fait, 70%, c'est le nom de notre émission. Ah oui? Ben oui. Ah, 70%. Ben oui, c'est nous autres. Ah ben écoute, quand j'aurai une chance de le mentionner, ça va me faire plaisir. Ah, ben, c'est super. Ça, c'est sympathique. Puis d'ailleurs, on vous demanderait peut-être un espèce de petit indicatif, là, quelque chose comme « Bonjour, je suis Jean Perron, j'ai gagné une Coupe Stanley avec les Canadiens et j'écoute 70%. » Quelque chose comme ça, là. Ben, écoute, si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mais non, en ce moment, maintenant. Maintenant, là. On va faire de l'éditage après. OK. Voulez-vous que je le fasse maintenant? Oui. Drette là, 1, 2, 3, go! Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas, c'est excellent. Elle est excellente. Ça en est une des plus belles. Ça bat Guy Nantel qui s'était trompé. Ah oui? Ouais, Guy Nantel avait dit « Bonjour, vous écoutez 110%. » Oh non, on est à 70%. C'était de toute beauté, ça. Monsieur Perron, c'est Jean-Michel Nahas qui vous a déjà interviewé ici sur les ondes de Choc FM. Enfin, qui m'a dit que vous étiez un invité très sympathique, alors je confirme. Merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. C'est un plaisir, les gars. Je vous souhaite beaucoup de succès à votre émission. Parfait, ah ben, vous allez pouvoir nous aider en parlant sur les ondes de 70% à Choc FM, la radio de l'UQAM. C'est bon. Ah, ben c'est la radio de l'UQAM. Ben ah, oui, c'est okay. Nous autres, ça. Et puis, peut-être, avant que vous nous quittiez, j'aimerais vous faire part d'informations de première main, c'est-à-dire qu'à Détroit, chaque année, il y a une espèce de concours qui est tenu de mise en garde les plus inutiles et facultatives. Et puis, comme nous, ici, à 70%, on s'intéresse beaucoup aux choses qui sont en marge, mais on s'intéresse au sport aussi, c'est sûr. Mais saviez-vous que, en fait, il est écrit sur des machines à laver qu'il ne faut pas mettre de gens à l'intérieur des machines à laver? C'est vrai. C'est assez particulier, hein? Ouais, ben, ouais, c'est assez particulier, certain. Puis peut-être, avant que vous nous quittiez, une espèce d'anecdote bizarre que vous raconteriez pas n'importe où ailleurs que sur une radio bénévole comme ça ici? Oh mon Dieu! Il y en a tellement d'anecdotes. Ben, je vais vous en compter une. Let's go! All right. L'année passée, je t'avais donné une conférence à un moment donné. Et c'est un banquet des célébrités. Mm-hmm. Puis c'était ici à Montréal et les gens m'ont demandé si j'avais peur d'aller en Israël, parce que je vais en Israël pour j'ai une école de hockey là-bas d'ailleurs qui porte mon nom. No. Et avec la guerre et ainsi de suite, j'ai répondu aux gens, j'ai dit écoutez, quand vous avez coaché le Canadien et les Nordiques de Québec, là. Il n'y a plus rien qui vous fait peur au monde. Ouais, vous êtes allé à la guerre plusieurs fois avant ça. Ouais, justement. Ça fait bien rire les gens. Ah, boy, c'est bon. Y a-tu des joueurs à surveiller dans cette école d'hockey-là? Ben, c'est incroyable de voir que les petits gars qui jouent à peu près 14 matchs par année, s'entraînent peut-être deux fois par semaine, mm-hmm. peuvent réussir à se développer dans le hockey. C'est que la mentalité des jeunes de l'Israël, elle a une affinité avec le hockey. Le hockey qui est un jeu robuste. Mais eux autres, je peux te garantir qu'ils n'ont pas peur de rien. Hein. Non, donc, le hockey, c'est une bonne sport pour eux autres, mais aussi, c'est un sport qui va bien avec leur mentalité. Bon, ils n'ont pas peur de jouer robuste et... Non, ouais, absolument pas. Ils vont nous voler notre titre à nous, les Canadiens, là, wow! Ils sont-ils habitués d'avoir un arbitre? C'est vrai. Ils sont capables de jouer avec un arbitre, il n'y a pas de problème? What? Oh. En tout cas, ce sont des jeunes qui adorent le hockey, puis c'est la raison pour laquelle, moi, je suis impliqué avec eux. Oui, en effet. C'est une très belle fin, ça. C'est de toute beauté. Monsieur Perron, est-ce qu'on est rendu au moment où on se dit au revoir? Ben oui, ça m'a fait plaisir. Vous souhaitez une belle fin de semaine, puis profitez bien des deux matchs de hockey en fin de semaine canadien. Ben... Et en plus de ça, ben c'est la fête avec le Super Bowl, hein? Wow. Chicago, Indianapolis? Moi, je pense que c'est Indianapolis qui va gagner. Moi, J'aimerais ça que Peyton Manning gagne. Moi aussi, j'aimerais ça, et en espérant que Chicago ne joue pas la trappe. On sait qu'ils sont spécialistes de la défense. Bon, on va mettre quatre gosses à la ligne bleue. Et puis, M. Perron, avant qu'on se quitte, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de parler de 70% Choc FM à votre émission qu'on écoute tous les soirs religieusement, bien sûr. 110% sur les ondes de TQS. OK, ben bonne soirée, bonne fin de semaine, les gars. Merci, vous de même. Bye. Merci, bonjour. Wow, ouais, c'était des belles aventures, ça. On vient de parler à Jean Perron à 70% de... On y va en toune? Ben là, en fait, j'ai préparé un petit quelque chose de tout cosy. C'est François Pérusse qui va nous faire une blague, une espèce de toune de rock progressif un petit peu twisté, puis on va revenir pour des nouvelles un petit peu fuzzées. Voilà, c'est 70%, comme d'habitude. Une signature rythmique différente à chaque mesure. Une fois, c'était un petit gars qui, pauvre de même, d'un coup est arrivé là. D'où ce qui vient, d'où ce qui s'en va, je le sais-tu, moi. C'est juste un petit gars qui est arrivé comme ça, c'est pas ma faute à moi. C'était un petit gars, sur le trottoir, un petit peu planté là. Dans son nez, il y avait ses deux doigts. Pour ça, je sais pas, c'est juste un petit gars, c'est aussi simple que ça. Tiga, c'était un petit gars, tout d'un coup qui était là. D'où ce qui vient, d'où ce qui s'en va. Je sais pas, fouille-moi, mais de toute façon, laissez ça change aussi, les gars. Ton kangourou, ton mille figas. Avec cette chanson-là, pensez-vous, eh ben moi je pense. Hello. My name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth, wireless internet, card, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spoons and listen to 70% Soixante-dix pour cent. Oui, TVA a monté d'un cran dans le mélange des genres jeudi de la semaine passée. En effet, ce soir-là, Sheila Borneau, la concurrente survoltée du banquier. Tu connais le banquier, Tommy, n'est-ce pas? Oui. Tu voulais pas me parler l'autre jour à cause de ça? Parce que t'étais... Pardon. On est en train de souffrir. Okay. Oui, alors, Sheila Borneau, donc, a été invitée au TVA 22h. Sophie Thibault, la lectrice de nouvelles, avait même annoncé sa visite plus tôt dans la soirée dans un flash nouvelle. Mm. C'est le patron des nouvelles lui-même, M. Serge Fortin, qui a eu l'idée jeudi après-midi. Le réseau rétorque, le grand journal de TQS a bien reçu le gagnant de Tous pour un, M. Sylvain Gauthier, au lendemain de son triomphe à Radio-Canada, et que personne n'en a fait cas. Ben, c'est un petit peu normal parce que M. Gauthier, premièrement, c'est un caméraman à TQS. Deuxièmement, sa performance était méritoire et donc n'était pas reliée au hasard. Et le quiz dont il était question apparaissait sur un réseau concurrent. Alors, ce n'est pas de l'autopromotion. Ouais. C'est une très grosse différence. Ouais. On dit que Mme Sophie Thibault aurait dû mettre ses culottes, se tenir debout, garder, ne pas plier les chines, garder les chines droites et avoir une colonne et dire ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. On va rester un petit peu plus loin de la convergence que trop proche, maintenant. En effet. J'en ai un autre très bel ici. Un appel a été lancé mardi aux femmes travaillant dans les entreprises du secteur nucléaire de l'ex-URSS pour participer au concours de beauté Miss Atom 2007. Alors, Miss Atom. Il y a beaucoup de belles femmes dans le secteur nucléaire russe et ils organisent des concours comme ça depuis 2004. Le nombre de candidates a même été multiplié par 3 depuis. Il y en a eu 220 l'année passée des candidates. Tout ça, ça nous provient de M. Ilya Platonov, qui est celui qui est un des organisateurs. Donc, les candidates doivent avoir entre 18 et 35 ans. Elles doivent travailler dans des entreprises et des instituts de recherche du secteur nucléaire en Russie ou dans d'autres pays de l'ex-URSS, ou encore faire leurs études dans des universités spécialisées dans le nucléaire. Les internautes peuvent ensuite voter pour désigner 3 gagnantes qui seront décorées solennellement au siège de l'Agence russe de l'énergie atomique à Moscou. Et il paraît que les gagnantes, ce sont des bombes. Ben là, sûrement. Écoute, je veux dire, il y a pas mal moins de... Ah! Ah! Bombe atome nucléaire. Est bonne en sapristi. Est-ce que c'est à mon tour? Oui, vas-y. Ouais, je vais parler un petit peu de Eddie Grant. Eddie Grant, son nom de base à l'origine, c'est Edmond Montag Grant. Il est né en Guyane française, mais ses parents ont déménagé en Angleterre. C'est là qu'il a grandi. Et puis, ben là, je vais vous lire un petit peu quelque chose que lui-même a composé, mais version française. Dans les rues, il y a de la violence et beaucoup de travail à faire. Nulle part pour accrocher notre linge à sécher. Et je ne peux que blâmer le soleil. Je travaille aussi fort qu'un soldat, mais ne puis m'acheter ce qu'on voit à la TV. Au fond de moi, je suis un guerrier qui ne peut même pas nourrir ses enfants. Qui est à blâmer dans ce pays? Je ne peux jamais le trouver. Il travaille en multiplication, mais ne peut nourrir tout le monde. On va brasser ça vers le bas jusqu'à l'avenue électrique, puis on va tout remonter. C'est les paroles d'une toune, ça? C'est les paroles d'une toune, et puis on va écouter l'original direct maintenant à 70%. On vous revient pour le comic de la semaine. Avenue, and then we'll Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. En fait, si j'ai pas un petit peu parlé d'Eddie Grant avant, qui a écrit cette chanson-là en 1983, c'est pour noter la thématique qui reste bien vivante. Ça fait déjà 24 ans. Et puis, je pense pas que les dirigeants des pays dont il parle soient encore plus capables de nourrir tout le monde. C'est pas d'hier, en fait, que les artistes sont des bons représentants de la culture dans laquelle ils grandissent. J'ai ici, en fait, une note. Peter Bruegel l'Ancien, un Hollandais peintre qui peignit des curlers vers 1550. Les curlers, c'est des gars qui jouent au curling. Il a peint ça en 1550, malgré le fait que le sport fut officiellement inventé en Écosse une trentaine d'années plus tard. Quand même une information très 70%. Simon-Pierre, est-ce qu'on est rendu au moment heureux, au moment joyeux, au moment hautement jouissif? Moi, j'attends que tu mettes la petite toune. Ouais, ça s'en vient, ça sera pas long. Et voilà, je la mets dans le tape deck, je pèse play. Ouais, c'est elle. Right. C'est le comique de la semaine. Oui, on apprenait que le ministère fédéral de l'Environnement ne fixera pas de cible nationale pour la réduction des gaz à effet de serre. Et les cibles qui seront imposées aux industries ne seront basées que sur l'intensité de leurs émissions de ces mêmes gaz. Le ministre fédéral de l'Environnement rejette également toute possibilité de taxes vertes afin de décourager la surconsommation. Surconsommer, s'il vous plaît. Oui. Pour respecter Kyoto, le Canada s'est engagé par le passé à réduire ses émissions globales de gaz de 6 % par rapport à leur niveau de 90. Ça s'est traduit dans les faits par une obligation de réduction de 30 % d'ici 2012 sous ce même niveau en raison de la hausse depuis 90. Mmh. Alors, avec cette nouvelle loi sur la qualité de l'air, le gouvernement Harper se donne maintenant pour objectif, parce qu'il rejette Kyoto, se donne maintenant pour objectif de réduire les émissions en dessus de leur niveau de 2003 d'ici 2050. De plus, aucun objectif... De plus, aucun objectif de réduction absolue avant 2020 n'est fixé. Il y a un rapport qui a été publié récemment du groupe, le GIEC. J'ai les principales conclusions des experts avec moi ici. C'est un rapport scientifique. C'est un groupe d'experts qui comprend autant les optimistes que les pessimistes. C'est intergouvernemental. Alors, bon, tu sais, ça représente l'opinion de tout le monde. Ouais, c'est paratout. Ouais, pour ce qui est des océans, des observations montrent que la température moyenne de l'océan mondial a augmenté jusqu'à une profondeur de 3000 mètres et que l'océan a absorbé plus de 80 % de la chaleur ajoutée au système climatique. Ça, c'est dangereux parce que le réchauffement de l'eau de mer provoque sa dilatation. Ah oui. Ainsi, le niveau des océans pourrait, selon les scénarios, s'élever de 60 cm d'ici la fin du siècle. Oh yes. Un réchauffement moyen variant de 2 à 4,6 degrés environ par rapport aux valeurs de l'ère pré-industrielle. Okay, ça entraînerait la disparition complète de la glace au Groenland, avec pour conséquence une élévation du niveau de la mer d'environ 7 mètres. C'est ça que ça veut dire. Aïe, c'est fini de Montréal, c'est fini de Copenhague, la Floride, c'est fini. Pour ce qui est des phénomènes extrêmes, on dit qu'il est très probable que les chaleurs extrêmes, les vagues de chaleur et les événements de forte précipitation continueront à devenir plus fréquents. On dit qu'il est vraisemblable, c'est-à-dire environ 90 % de chances que les cyclones tropicaux futurs, les typhons, les ouragans, ces choses-là, deviennent plus intenses avec des vents maximum plus forts et des précipitations plus fortes. Pour ce qui est de l'activité humaine, le changement climatique mondial des 50 dernières années ne peut être expliqué par les seules causes naturelles. 90 % de probabilité que c'est des gaz à effet de serre. Et les émissions passées et futures de CO2 continueront à contribuer au réchauffement et à l'élévation du niveau de la mer pendant plus d'un millénaire à cause de la durée de vie de ces gaz-là dans l'atmosphère. Pour ce qui est des températures, 11 des 12 dernières années figurent au palmarès des 12 années les plus chaudes depuis que l'on dispose d'enregistrements, c'est-à-dire en 1850. La tendance est forte, elle est là. Harper, donc, notre cher premier ministre, on pourrait l'appeler président quasiment, en 2002, dans une lettre d'appel de fonds, écoute bien ça, Tommy, a envoyé aux membres de son défunt parti, l'Alliance canadienne. En fait, il a tourné l'entente en ridicule et il a remis la question de la science qui expliquait ces changements climatiques-là, parce que lui, bon, probablement parce qu'il est religieux ou un truc comme ça. Il disait « Kyoto est essentiellement un complot socialiste qui vise à soutirer des fonds aux pays les plus riches. La mise en application du traité de Kyoto nuirait gravement à l'industrie des hydrocarbures qui est essentielle aux économies de Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, Labrador, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique. Mm. » Est-ce que t'as entendu ce que je viens de dire? Oui. C'est, qu'est-ce que je viens de dire? Ben, tu viens de dire Alberta, Colombie-Britannique. Non, j'ai dit que Stéphane Harper a dit que Kyoto est essentiellement un complot socialiste. Ouais, ça c'était beau ça. Qui vise à soutirer des fonds, c'est en tout cas. Il dit que ça fait pas de gagnant au Canada. Il dénonce aussi de voir le traité s'attaquer au dioxyde de carbone qui, selon Harper, est essentiel à la vie et affirme que les preuves scientifiques derrière les changements climatiques sont modestes et contradictoires. M. Harper promet ensuite une bataille de Kyoto pour empêcher le gouvernement libéral de Jean Chrétien de faire adopter, ça c'est en 2002, de faire adopter le traité par la Chambre des communes. Alors voilà, on en arrive à... n'est pas pire. Ça. On arrive à notre conclusion. Dans une entrevue accordée au réseau anglophone Global, mardi soir, le chef Stéphane Dion donne un aperçu à la journaliste Hannah Boudreau des changements qu'il a apportés à la résidence officielle. Monsieur Dion explique notamment qu'il a modifié certaines pièces, dont une chambre à coucher qu'il a transformée en gymnase. Alors, il a dit que son successeur, mon successeur, M. Harper, aura l'occasion de perdre son excès de poids maintenant parce que nous avons cette salle d'exercice. Mmh. Oh. L'environnement, c'est une chose, mais l'excès de poids de M. Harper... Ça, c'est touchant. Les propos de M. Dion ont soulevé l'ire des conservateurs qui n'ont pas hésité à dépêcher la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au commerce international et au sport pour répliquer. La ministre a notamment affirmé que la blague était inconvenante de la part d'un homme aspirant à devenir premier ministre du Canada. Essentiellement, il a traité le premier ministre de gros, a-t-elle déclaré, ajoutant au passage, les vrais leaders ne font pas de blagues au sujet du poids des autres. Eh bien, moi, je vous dis... C'est bien important de parler de ça, puis de pas parler du Groenland qui va tout fondre. C'est tout à fait ça. Ben, madame, les vrais leaders doivent s'occuper des vrais problèmes et faire tout en leur pouvoir pour offrir aux générations futures un monde où il va être possible de vivre. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Le coût, OK, relié à la surcharge pondérale de l'Américain moyen, OK, parce qu'il a grossi depuis les 10 dernières années. Alors, le coût de cette surcharge pondérale dans les avions, ça fait qu'on doit consommer 350 millions de gallons de gaz supplémentaires dans l'industrie aérienne pour... Alors, c'est ça, c'est 275 millions de revenus. Alors, bon, quand on est gros, on dépense plus de gaz. C'est logique. Oui. C'est de la logique appliquée. Oui. Ben, voilà, c'est la fin du comique de la semaine. Tout à fait. Bon, ben, on va passer à la marde audio de la semaine. Là. Ça va être de toute beauté. C'est en fait, j'ai découvert cette semaine que un avantage qui va tout le temps rester d'être un gars, c'est que toutes les insultes au féminin font plus mal. Et puis, ben là, il y a environ 2-3 mois qu'on vous a fait jouer du Trunk 25 qui traite les femmes comme de la chenoute. Et bien, ici, on va avoir Yel. C'est une Française qui fait de l'espèce de rap pop cheap et qui traite les hommes comme de la chenoute. Vous allez voir, c'est pas mal drôle. De toute beauté, j'ai hâte d'entendre ça. Merci Tommy. C'est la marre de la semaine. Donc vous avez écouté 70%, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à Jean Perron d'avoir téléphoné. On va voir s'il va se rappeler de parler de nous un petit peu en onde à 110%. Ça va être de toute beauté ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté l'émission et puis on se revoit la semaine prochaine. Bon, on se revoit pas, on va se réentendre. Salut! Cuisinier avec ton petit sexe entouré de poils. For the son of Sam's become a boring old man. Seems that all he does now is his time. But if that damn dog had just kept his mouth shut, there might not have been anybody dying. Oh, David Berkowitz, I miss your wit and I miss your smile.